Fébrilement je t'attends, je suis en manque de toi, je me languis de ton parfum. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, dans un délicieux va-et-vient. Retenir nos élans pour que la nuit n'en finisse pas. Tout oublier, sous mes doigts impatients, trouver ta voix sacrée. Oh, oh. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je découvre en toi toutes les. Me perdre au plus profond de toi, et ta peau manque à ma peau. J'ai perdu le sommeil et je n'arrive plus à travailler. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je perds.